Héros des Terres, d'ici vous parle le podcast du Créateur. Et toutes les semaines, je citerai un poste qui aura l'adoration de toute la semaine. Le poste de cette semaine s'appelle « La promesse d'un nouveau monde » que je passerai à citer. Seulement mort, cela qui pense qu'en partant de ce monde, si ce monde-ci, la Terre, va mourir. Et seulement vive cela qui pense qu'un partant de cette terre-ci va vivre. Dieu ressuscite cela qui meurt, tout un croyant dans le paradis et condamne tout cela qui nie l'existence du paradis. Tout l'homme doit croire qu'il va trouver le paradis. Le paradis, soit-il que par la charge symbolique de celui-ci, une fois que le paradis c'est le songe de tout l'être pensant. Si on pense que dans l'univers existent les plusieurs planètes, avec un être pensant, on arrivera à la conclusion que pour cela, le paradis ne serait pas dans la Terre, donc celui-ci ne l'est pas aussi pour l'homme, ni l'autre planète le serait pour l'homme. Le paradis c'est une place singulière et comme telle, ne s'impositionnant dans la Terre, ni pas dans les autres planètes habitées. Qui potentiellement auront une atmosphère hostile à l'organisme de l'homme, on arrivera à la conclusion de que le paradis seul est trouvé après qu'on mort, une fois que le paradis n'est qu'un songe, dont la mort nous délivre de la captivité de la vie de la terre et nous prépare, au travers de l'âme, pour une nouvelle vie en des conditions totalement différentes de celle-là qu'on connaît dans la Terre. Et c'est la fin du poste de 1 août 2016. Vous pouvez visiter aussi les deux blogs que j'ai, un dans le blog intitulé « Au Créateur éterne », écrit en français aussi, et d'autres dans le Facebook intitulé « Au Créateur éterne au Verbe », écrit en français également. Et maintenant, je vous laisse avec musique classique dans laquelle vous irez écouter Mascagni, interlude from Cavalleria Rusticana, deuxième mouvement.